fâché, mâché, moins prends la route, moi y'en bébé à Pepsillon. Qu'il reprend trop poil pour veiller tout, j'ai pour elle et moi sous côté. Moi-même comme dame, moi passé derrière ma terre, la chambre mamzelle. Banal à mâcher tout, Timon, l'école sans régler, bas en parler. Nous la Timon, mon après. Moi tant de coco la pote là. Maman, je parais, moi voulant fenêtre, moi mettez des en parler. Elle peut crier, maman, je parais plus vertigo émotion. Puis bien chiffonné, gavoté, tiré, maman, je commence filant. Mamzelle en bateau, laisse à trois poulines, et tomber par les jardins. Les dix, c'est des noms qui font s'élever ça, qui mettent l'en sac en ça. Ils mettent la police derrière moi, moi, gagaterie, porte au prince. Après 9 mois où mamzelle font petit pire elle aime Jojo. Et blos aïkaï maman so. Et blos aïkaï maman so. Et blos aïkaï maman so. Et blos aïkaï maman so. Thank you.